donc Eva, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qui t'a pris de refuser aux ordres de ton créateur? T'étais planqué, mais ce râleur t'a demandé de ne pas toucher à l'arbre qui s'appelle pommier. C'était idem pour ton copain, mais lui plutôt du style babouin. Mais lui plutôt du style babouin. Il aurait pas causé de problème, bien trop heureux, tiré sa flemme. Il a fallu que tu sèmes ta zone. T'étais pas faite pour être madone, se faire virer pour une golden. Peut-être que t'as pas dit amen avec ton pote qui a fait les boules d'avoir gagné une belle baoule. D'avoir gagné une belle baoule. Il a dû se retrousser les manches, et toi sa môme, t'as les morflés. Déjà tu prépares les langes. Troisième sur terre, c'est ton mouflet. Les années passent, ma belle Eva, tu seras bientôt une mémère. T'as rien à craindre, je ne t'en veux pas, mais tu as tout foutu par terre. Mais tu as tout foutu par terre. J'aimerais que tu me dises tout simplement, du paradis à cet enfer, à qui sont mariés tes enfants, puisqu'il n'y avait personne sur terre. Dis donc Eva, qu'est-ce que t'as fait? Pareil que tu es ma grand-mère. Pas de réponse de ce que t'étais, et cela malgré mes prières. Et cela malgré mes prières. Dis donc Eva, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qui t'a pris de refuser aux ordres de ton créateur? T'étais planqué, mais ce râleur. T'étais planqué, mais ce râleur.